France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Attention, scène gore à redouter. Un matin très gris. Un terrain d'aviation bientôt taché de sang. Mais était-ce vraiment un champ d'aviation? Plutôt un banal champ de manœuvre. Des notables qui n'obéissent pas aux ordres, aux conseils de prudence. Ils auraient dû traverser en diagonale un terrain d'aviation ou un champ de manœuvre duquel décollent de nombreux aéroplanes, sur lequel viennent se reposer en urgence quelques aéroplanes. Tout cela peut être dangereux. Et il y a eu des témoins. Il y avait des témoins. Soyez témoins, première diffusion sur la chaîne parisienne, le 23 mai 1956. Soyez témoins, une émission d'André Gillois. La semaine dernière, nous avions réuni un certain nombre de témoins des débuts de l'aviation. Aujourd'hui, c'est encore de l'aviation que nous allons parler, mais d'un événement unique et mémorable qui s'est déroulé en 1911 et qui est le départ d'une course célèbre, la course Paris-Madrid. Je dois dire que lorsque j'ai annoncé au micro que j'allais évoquer cet événement, j'ai reçu un grand nombre de lettres, les unes sur l'objet qui nous préoccupe aujourd'hui et les autres sur une autre course Paris-Madrid qui fut une course d'automobile. Précisons donc que c'est la course d'aviation dont il s'agit et je voudrais dire tout de suite que j'ai assisté à ce départ. C'était donc en 1911, il y avait eu un service spécial de métro la nuit pour permettre à tous les Parisiens de se rendre à Issy-les-Moulineaux où le départ devait être donné à 4h du matin. Et une foule énorme était massée sur les fortifications qui existaient encore pour voir ces avions prendre le départ et s'en aller. Et l'on sait que le départ de la course a été marqué par un accident dont évidemment nos témoins vont parler, qui est la chute sur un groupe de personnalités dont le ministre de la guerre, Berthaud, qui fut tué sur le coup, chute d'un aviateur qui s'appelait Train. Eh bien, cet aviateur Train avait un coéquipier qui était M. Bonnier. Et M. Bonnier avait un frère, ce frère est aujourd'hui devant nous, il est donc le témoin que nous allons interroger d'abord sur cette course Paris-Madrid. Voyons, M. Bonnier, vous deviez être, j'imagine, sur le terrain en même temps que votre frère. Certainement, j'étais sur le terrain puisque je venais pour aider mon frère. Mais si vous voulez, nous pourrions, pour la compréhension, et je crois que les auditeurs comprendront assez bien, on pourrait faire supposer que le champ d'aviation soit un rectangle et que ce rectangle est la partie nord, la petite partie nord aux fortifications, là où, d'après ce que vous venez de dire, vous étiez placé. Le côté gauche, le grand côté gauche, serait le côté de la Seine, les tribunes officielles étant au milieu ou à peu près de ce côté. Le départ des avions étant en l'angle droit en bas. Je crois que ça expliquera assez bien pour ce qui s'est passé. C'est ça, des fortifications, on apercevait au loin et à gauche les petits hangars d'où sortaient les avions que l'on y avait garés et qui prenaient le départ du fond de ce terrain qui n'était pas un terrain d'aviation, du reste, qui était un champ de manœuvre et qui n'était pas très grand. Alors, si vous voulez maintenant faire votre témoignage. Train était un petit homme, brun, silencieux, travailleur acharné, aux traits énergiques. Il a fait des économies en ayant inventé ou perfectionné, je ne peux pas dire exactement. Il avait été en Amérique pour perfectionner ces appareils où l'on met une pièce de quelconque et qui fonctionne dans les bars. Des appareils à sous. Ce qu'on appelait, mais maintenant on ne peut plus dire à sous, oui. Évidemment, mais des appareils à sous. Et il avait fait là une réelle petite fortune. Ça l'intéressait à ce point que toute mécanique, du reste, l'intéressait. Et c'est comme ça qu'il s'est jeté sur l'aviation tout à fait à ses débuts et qu'il y a consacré sa fortune, son temps. Et c'est lui qui avait construit cet appareil. C'est lui qui avait complètement construit l'appareil et le second individu était mon frère, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Marc Bonnier. Il était étudiant en droit. Il faisait en ce moment même les sciences morales et politiques, ce qui le mettait très loin de l'aviation. Mais il avait 24 ans, exactement à ce moment-là. Et il a tout lâché pour emballer pour l'aviation, malgré même un peu les pressions de la famille. Il a été complètement toqué de l'aviation. Et il faisait son service militaire à Mourmelon, c'est-à-dire à l'endroit où tout se concentrait, puisqu'on avait à ce moment-là les Antoinettes, presque tous les appareils étaient fabriqués à Mourmelon, ou moins étudiés à Mourmelon. Le ministre de la Guerre était là, je crois qu'il y avait même un autre ministre qui était Monis. Le président du Conseil, M. Monis. Monis, n'est-ce pas, c'est ça. Et je crois de Schlammer qui s'intéressait très vivement aux appareils à ce moment-là, et qui par conséquent avait voulu être là sur le terrain. Enfin, la présence du président du Conseil et du ministre de la Guerre prouve à quel point cet événement était considéré comme étant important. C'était probablement le premier grand raid qu'on organisait. Ça, et les avions devaient passer les Pyrénées, n'oublions pas. Les avions devaient passer les Pyrénées, il fallait les charger beaucoup, ils n'avaient pas beaucoup de surface portante à ce moment-là. Et dire qu'il était prévu une étape à Angoulême, car il ne devait pas faire Paris-Madrid d'un seul coup. Non. Il devait faire une étape à Angoulême et une étape à Saint-Sébastien. Berthaud est venu sur le champ d'aviation auprès de l'appareil, parce qu'il était très intéressé par cet appareil train qu'il voulait subventionner. Le matin était très gris. Je me souviens très bien être parti avec mon père, ma mère et ma femme. Et nous avons été sur le terrain en nous levant dans la nuit. Parce qu'il fallait, quand on devait partir, faire un raid comme ça, on préparait ça dans la nuit pour partir des premières lueurs. Et l'organisation des meetings était tout à fait dans son enfance. C'était peut-être pas très très très serré comme police. Enfin, nous atteignons l'appareil. Il y avait pour ainsi dire pas d'aide. Nous avons servi plus ou moins de mécano, ou tout au moins de manœuvre, pour être plus modeste. On avait roulé l'appareil. Il était prêt. On le chargeait d'autant d'essence au maximum, n'est-ce pas, étant donné le carburant qui était la chose importante. Et l'émotion était très grande parce que tout relevait à peu près de l'inconnu à ce moment-là. Au moment même du départ, venaient d'arriver, tout contre l'appareil, les ministres, que nous avons cités plus haut, qui venaient pour justement donner un dernier encouragement aux deux partants et qui devaient regagner leur tribune après. Le décollage a lieu. Naturellement, d'après notre petit rectangle, nous pourrions dire qu'en remontant le côté droit vers le nord. Il y a là quelque chose de contradictoire, puisque la direction était inverse de celle qu'il fallait. Mais c'est probablement une question de vent, parce qu'à ce moment-là, il fallait que le vent aide à l'envol, n'est-ce pas ? Par conséquent, on a remonté vers le nord pour partir. Alors, l'appareil décolle. À ce moment-là, les ministres n'avaient plus rien à faire là, veulent regagner leur tribune. Les commissaires supplient les ministres de ne pas traverser le champ d'aviation, de ne pas revenir directement vers la tribune, mais de contourner le terrain pour ne pas encombrer la partie, n'est-ce pas ? Et même un lambeau de phrase m'est resté, moi qui n'ai pas beaucoup de mémoire, je me souviens très bien que quelqu'un a dit à ce moment-là, « Mais monsieur le ministre, vous savez, vous vous trouvez là comme aux abords d'une gare de chemin de fer qui n'aurait ni signaux, ni quais, un peu en avant, n'importe quelle locomotive manœuvrant, c'est dangereux. » Je me souviens qu'on a fait allusion enfin à une question de chemin de fer, au grand danger possible. Enfin, le ministre a imposé sa volonté de retourner directement en croisant le champ. Traversant le terrain dans toute sa largeur, ce qui était d'une grande imprudence. C'était une imprudence terrible. Pendant ce temps-là, Train, qui pilotait mon frère, devait relayer Train, ils devaient se relayer tous les deux, l'appareil parti, Train s'est senti trop lourd. Il était tangent. Il s'est dit non, ça ne va pas. Je ne peux pas continuer comme ça. Alors, arrivé à peu près au-dessus de vous, puisque nous disons au-dessus des fortifications. C'est ça, au-dessus des fortifications. Il a fait un demi-tour parfait et il est venu pour atterrir. Mais à ce moment, c'était une stupeur du reste, en tout cas dans notre petit groupe. Je ne sais pas si tout le monde s'est rendu compte. On a vu un groupe de cavaliers, probablement sur quatre, faisant une chenille assez longue, se détacher des approches de la tribune et venir traverser en diagonale le champ d'aviation, le champ de manœuvre. Fatalement, il barrait la route à Train qui revenait sur l'autre côté. Il était forcément sur le côté gauche, n'est-ce pas, pour ne pas rencontrer d'autres départs. Et il cherchait à atterrir. N'est-ce pas ? On le voyait perdre de la hauteur, déjà ? Ah oui, il est venu. Il aurait atterri dans les cavaliers. C'est pour ça que, pour éviter une tuerie horrible, puisqu'il serait rentré dans le cavalier, il a cabré, à tout risquer, n'est-ce pas, il a cabré complètement son appareil, qui a littéralement sauté au-dessus des cavaliers, mais pour retomber de l'autre côté sur le groupe ministériel. Oui, alors, il y a eu un nuage, n'est-ce pas, de poussière énorme. J'ai cru que mon frère Étrin était tué. J'ai couru, et un détail un peu sensationnel, ou macabre, plutôt, je devrais dire, c'est qu'en arrivant sur le terrain, je vois d'abord mon frère qui faisait des gestes avec ses bras et ses jambes pour que montrer à ma mère qu'il était indemne, qu'il avait tous ses membres. Mais ils ne s'étaient pas rendu compte de ce qu'ils avaient fait, si on peut dire ce qu'ils avaient fait. Et j'ai enjambé un bras coupé. Je ne sais pas si c'est un blessé autre que le ministre ou si c'était... C'était le bras Berthaud, du ministre de la guerre. C'était probablement le bras du ministre de la guerre. Eh bien, je vous remercie infiniment de votre témoignage. Jean-Pierre Maffay, vous aviez une question. Je voulais vous demander à tous les deux, puisque vous avez assisté à cet accident, si vos souvenirs concordent avec le récit qu'a fait Jules Romain dans Les Hommes de Bonne Volonté. Il y a un chapitre extrêmement brillant. Oui. Et ce qui m'a frappé surtout, c'est que j'en ai retenu, et que Jules Romain tire des conclusions sur l'âme des foules en face d'un événement tragique en disant qu'il s'est produit auprès de l'endroit où avait eu lieu la catastrophe un grand vide, que les gens, au lieu de s'y ruer, s'en sont écartés comme lorsqu'on fuit dans un sentiment de panique le lieu de la tragédie. Moi, pour autant que je me souvienne, puisque j'étais un petit garçon à l'époque, je me rappelle fort bien le départ de ce peloton de cuirassiers. Ce n'était pas la garde républicaine. Oui, ça, j'ai dit garde républicaine. Non, ça ne fait rien. L'avion qu'on appelait à l'époque un aéroplane tournant autour de nous, passant au-dessus de ces cuirassiers et puis s'aplatissant d'un seul coup sur le sol. Et à ce moment-là, on ne s'est pas rendu compte qu'il s'aplatissait sur des gens. Et on a eu la sensation qu'il y avait eu un accident que quelques instants après, quand on a vu arriver une ambulance. C'est ça. Donc, on n'a pas réalisé qu'il y avait accident de personnes, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les gens ne se sont pas précipités. Romain a dit au contraire que les gens se sont écartés en fuyant et en laissant un grand vide désert où apparaissaient les vestiges de la catastrophe. Il a dû faire son chapitre avec le petit Paris Journal illustré de la semaine. Oui, je n'ai pas de souvenirs semblables, et puis j'ajoute que la plupart des gens étaient assis sur les fortifications. Oui, c'était assez loin. C'est très loin. Si petit que soit le champ d'aviation, il a encore des dimensions énormes. Pour un champ de manœuvre, c'était un beau champ de manœuvre. Il y avait peu de monde sur le terrain même. Sur le terrain, non, mais il y avait de la foule, pas mal de foule autour. Vous avez pu le constater. Oui. Mais enfin, je n'ai pas le souvenir de gens se précipitant, ni des gens refuant en désordre. Non. Je me rappelle seulement l'arrivée de l'ambulance, alors on a commencé à se dire, c'est sérieux. Et puis c'était des étranges accidents. Ouais. On n'était pas habitué à des accidents de cette sorte. Ouais. On était habitué à voir les gens passer sous les roues d'une auto, mais pas un avion qui tombe sur le ministre. Ajoutez à cela que cet avion qui avait l'air d'un jouet est tombé de si peu de hauteur qu'on n'a même pas eu la pression d'une tragédie. À ce moment-là, Pathé a fait un film... Qui existe. Et dont j'ai un petit fragment que je n'ai pas voulu regarder puisque j'ai dit que je ne voulais pas me documenter. Mais il y a un petit film qui représente exactement l'avion au moment où il va tomber sur les personnages. Disons à ce propos que ce petit film qui a été pris au moment de l'accident a été projeté, ce qui pour l'époque était un exploit extraordinaire, a été projeté le jour même à 14h de l'après-midi dans un cinéma qui s'appelait le cinéma Gabka. Je vous remercie infiniment, Monsieur Bonnier. Voici maintenant Monsieur Jean Fressac qui m'a écrit qu'il avait assisté lui aussi à ce départ de la course Paris-Madrid. Voudriez-vous, Monsieur Fressac, nous dire ce que vous vous rappelez de ce grand jour? Eh bien, de ce grand jour, je viens vous dire que j'étais parti, n'est-ce pas, le samedi soir, puisque c'est un dimanche matin que se faisait la course. J'étais parti avec ce camarade, n'est-ce pas, le soir, dans l'intention de pouvoir rester toute la nuit et pour être mieux placé sur le champ des Simoulineaux. Et en effet, nous étions partis le soir au café-concert, ça se terminait vers les minuit, nous avons pris le métro qui nous arrivait jusqu'à Vaugirard, on n'allait pas plus loin, et nous avons été dans une brasserie qui nous a mis dehors à 2h du matin, à cette époque-là, n'est-ce pas, les gens pouvaient rester, on se couchait de bonheur. Et alors nous sommes partis à pied jusqu'au terrain d'Issy Moulineau, et nous y sommes arrivés vers les 3h30 du matin, et nous avons resté toute la fin de la nuit pour être plus bien placés, pour pouvoir, n'est-ce pas, voir les départs. On avait tellement une publicité sur cette course, n'est-ce pas, ce meeting aérien qu'ils appelaient du reste à cette époque-là. Et alors nous avons nous étions à peu près de la tribune officielle. La tribune officielle consistait simplement à un emplacement réservé pour ces messieurs et quelques gardes et agents qui étaient ici, n'est-ce pas, pour faire le service d'ordre qui était du reste très, très petit. Et alors la course a commencé vers les 8h dès que le ministre Berthaud, qui était ministre de la guerre à ce moment-là, et qui devait, si j'ai bonne mémoire, appartenir au ministère Monis. C'est bien cela, oui. N'est-ce pas? Et c'était la date, je m'en souviens pas très bien, et ce que je me souviens, c'était en juillet ou en juin 1911, n'est-ce pas? Et alors, le début de cette course, il y avait Védrine, il y avait plusieurs également aviateurs avec leurs appareils, qui sont partis, mais je crois que c'est Védrine qui est parti un des derniers, et il est arrivé le fameux train, dont la construction était de son cru, je crois. Et alors, ce malheureux a fait un faux départ. Au lieu de revenir... Alors, le moteur devait être probablement arrêté, parce que, en réfléchissant bien à la chose, je le conçois volontiers, les officiels n'avaient pas une tribune spéciale. L'avion étant arrêté et perdant de la vitesse, descendant rapidement... j'ai l'impression que le train n'avait pas voulu passer à faire un grand circuit parce qu'il sentait en perte de vitesse. Et alors, il a passé sur les tribunes. Et nous, instinctivement, nous avions baissé légèrement la tête parce qu'on a vu le danger. Lorsque, pensant arriver à son point de départ, eh bien, il a fauché, justement, en descente rapide, il a fauché, n'est-ce pas, des personnes, et dont le ministre de la Guerre, qui c'était d'un véritable cri de douleur, c'était une cohue indescriptible. Et les gens sont partis à peu près dans toutes les directions, c'était une cohue formidable, et chacun a essayé. Moi, nous étions dans les premiers rangs, était de vous dire qu'on avait peur. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allé vers l'appareil, ou au contraire? Ah non, non, non, on n'a pas assisté davantage. L'horreur des cris, n'est-ce pas, et puis des certaines souffrances qu'on pouvait deviner, n'est-ce pas? Pour moi et mon camarade, nous sommes partis, n'est-ce pas? Puisque la fin de la course était censément arrêtée. Il y a deux ou trois petits détails que je voudrais vous faire remarquer. D'abord, la course Paris-Madrid a eu lieu le 21 mai 1911. Ah bah oui, alors c'est un peu à l'avance. Et ça n'est pas jusqu'à 8h du matin que vous avez attendu, le temps vous a paru long, puisque les premiers départs ont eu lieu vers 5h. Ah bon, bah alors... Est-ce que vous rappelez le nombre d'avions qui étaient partis avant, non? 4 ou 5 par là, je ne me souviens pas exactement. Ce qui nous a attiré et que je gardais comme mémoire, c'est surtout l'accident de train, n'est-ce pas? 4 aviateurs s'étaient envolés avant le train. André Beaumont, Garros, Gibert et Lelasseur de Rosay. Et puis alors, il y avait ensuite train et Védrine, donc, qui est parti le lendemain matin. Et du reste, ils se sont tous plus ou moins arrêtés en route. Il y en a même un qui s'est perdu. Il y en a un qui est allé atterrir à Cône dans la Nièvre, un autre qui s'est arrêté dans le Loir-et-Cher, un autre est resté en panne à Loche, et seul Védrine est arrivé à Madrid, après s'être arrêté à Angoulême, à Saint-Sébastien, à Burgos et à Madrid. Mais qu'est-ce qu'ils disaient les gens alors en retournant par la porte de Versailles et la rue de Vaugirard et tout ça, les gens devaient être affolés. Les gens étaient affolés, il y avait un monde considérable. On parlait de ça. On parlait de ça, puis dans les journaux de l'époque, ils devaient vous dire qu'ils en ont fait un grand tapage, n'est-ce pas? Et est-ce qu'on en tirait des conséquences sur le danger de l'avion? Est-ce qu'on disait, Non, ce qu'on regrettait surtout, c'est que le service d'ordre était insuffisant. Merci beaucoup, Monsieur Fressin. Nous allons maintenant recueillir le témoignage de M. Vanderem. M. Vanderem, vous étiez donc à Issy-les-Moulineaux le 21 mai 1911, au moment du départ de la course Paris-Madrid. Exactement, oui. Bon, vous aviez passé la nuit probablement à attendre. Non, on était partis tôt, on avait attendu le matin une voiture que mon père avait commandée, et parce qu'on connaissait Train, l'aviateur qui était un ouvrier, un artisan d'ailleurs, épatant du quartier, qui réparait les machines au père, tout ça. Alors on le voyait, nous les gosses, on allait porter quelque chose, on le voyait avec les motos de l'époque. La mine noire et tout, c'était un artiste de la mécanique. Dans quel quartier c'était? Il était rue, sa maison existe encore, rue Plastorigny. C'est un dépôt d'essence qui est à la place, ça existe toujours. Plastorigny au coin de la rue de la Perle. Et il était là, il était garagiste en somme? Non, pas, il était réparateur de tout. Oui. Machine à coudre, motocyclette, la mine noire en ce qui nous concernait. Il était réparateur de tout. Alors, on était son supporteur, étant gosse. Oui, et alors, papa nous avait promis de nous emmener le voir pour l'aviation, quoi, pour son... Alors, vous êtes allé le voir sur le terrain ? Nous sommes allés le voir avec des difficultés pour y aller. Il a fallu escalader le chemin de fer des Invalides, car dès le matin, de très bonne heure, on a été... Les agents ne pouvaient plus passer, on était arrivés par Grenelle. Mon père avait eu une voiture. Je ne me rappelle pas si c'était une voiture à cheval ou un taxi, je ne me souviens plus. Alors, vers Grenelle, on ne pouvait plus passer. Alors, on a suivi les débrouillards et on a monté suivi la Seine et après escaladé le chemin de fer électrifié la ligne des Invalides. Les agents du service nous faisaient une peur bleue avec le rail électrifié. Mais c'est qu'on n'était pas tout seul à passer. C'est quand un débrouillard nous a emmenés, tout le monde a suivi. Et nous sommes trouvés après, de l'autre côté de cette voie, en surplomb. On voyait on était sur une élévation, on voyait, et c'est là où alors on avait la tribune, leur salle ici, là. Oui, à quelques mètres. Assez près, relativement. Et on voyait la tribune, et c'est là que, quand le train a fait son demi-tour, s'est élevé d'une façon lamentable, pauvrement. Il a fait un pauvre mètre, il s'est élevé à un mètre, il a roulé, il a fait la boucle d'un nœud, il est rentré sur Berthaud, et puis il a coupé le nez au ministre de l'Intérieur de l'époque, qui est mort il y a pas tellement longtemps, Maunice. Oui. Et alors, après ce coup de temps-là, ça a été... Ça a été fini. La fête était terminée. Tout, ça a envahi de partout, ça a été quelque chose d'épouvantable, quoi. Est-ce que vous vous rappelez combien d'avions étaient partis avant le train ? Pas tellement, je ne pourrais pas vous l'affirmer, parce que nous avons eu du mal à la franchir, cette ligne en question. Ah, vous ne savez pas ce qui s'était passé. Alors, on entendait bien les moteurs, on entendait bien des voix, mais on n'était pas... Il y en avait de partis avant nous. L'accident a dû avoir lieu quelque chose comme 10h du matin, et ça commençait depuis 8h30, si vous voulez. Il en partait de temps en temps. En fait, ça n'est pas à l'heure que vous dites qu'a eu lieu ce départ. Les départs avaient lieu à partir de 5h du matin jusqu'à 6h30. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait ensuite ? Vous êtes allé réconforter le train ou vous l'avez... Oh, rien du tout. Ils ont chassé le débandade. Une débandade épouvantable. Et vous l'avez revu, train, ensuite ? Un homme lamentable, oui. Lamentable, il ne travaillait même plus, rien du tout. Oh, la misère, les cheveux, il avait... On le voyait en bleu, un bleu sale dans son machin. Il végétait, c'était plus nettoyé, c'était fini, il l'avait. Ouais. Et il a vécu longtemps, quoi ? Je ne sais pas. J'ai vu longtemps, j'ai train, mécanicien, ouais. À la place du truc d'avion, mais lui, on le voyait plus. C'était un chercheur qui était vaincu. Ouais. Oui, pauvre homme, c'est affreux. Vraiment, c'est pour ça que ça m'a resté frappé. On était navrés, non pas de la mort du ministère de la guerre, et on en trouve toujours. Mais des chercheurs comme ça, on n'en trouve pas toujours. Ben, je vous remercie infiniment, voilà. M. Van der Heijden. C'est tout ce que je pouvais. Témoignage, il est très pittoresque. Très bien. J'ai devant moi maintenant M. Georges Delarue. Alors, cher monsieur, voudriez-vous nous dire ce que vous vous rappelez de cet événement ? Eh bien, je dois dire en toute franchise qu'il y a quelque chose qui m'embarrasse, c'est la date exacte du départ de cette course. Pourtant, j'ai un point de repère qui ne peut pas me tromper. J'ai été incorporé au 49e régiment d'artillerie le 8 octobre 1912. Par conséquent, cette course a eu lieu au printemps ou à l'été de 1912 ou de 1911. Je ne pourrais pas préciser. Eh bien, je vais vous le dire, c'est le 21 mai 1911, c'est-à-dire au printemps 1911, en effet. Ah, vous voyez que je... Alors, vous étiez présent sur le terrain d'ici à Moulineau. Oui, nous avions décidé d'aller voir cette course de Paris-Madrid avec un petit camarade et nous étions descendus à bicyclette jusqu'à ici les Moulineaux, c'est-à-dire dans la partie sud du champ de manœuvre. Le champ de manœuvre était bordé à l'époque par les fortifications au nord, par l'avenue Gambetta au sud, et à l'est et à l'ouest par des barrières de bois. Nous sommes donc arrivés là, avenue Gambetta, et qui était plantée d'arbres. Nous avons accoté nos bicyclettes auprès d'un petit arbre, et nous voyions très bien l'ensemble du champ de manœuvre. Sur le côté droit, c'est-à-dire à l'est, il y avait des hangars de toile, des petits hangars de toile, et les avions étaient déjà rangés en ligne de départ. Au milieu du champ de manœuvre, il y avait un groupe d'hommes qui semblaient être des officiels, car ils étaient habillés en jaquette ou en redingote, on ne pouvait pas très bien distinguer leur visage, mais enfin, on voyait leur silhouette et coiffé du chapeau melon qui se portait à l'époque. Il y avait également, dans le champ de manœuvre, des pelotons de gardes républicains à cheval qui, de temps en temps, galopaient pour empêcher les gens de passer par-dessus les barrières. On est absolument sidéré quand on pense qu'il y avait des hommes assez courageux pour oser affronter une course d'une telle envergure sur des appareils qui étaient quelque chose d'inimaginable vis-à-vis de ceux d'aujourd'hui. Il y avait les monoplans, les biplans, il y avait également ce qu'on a appelé les cages à poules, c'était le genre des appareils Farman, des sortes de cubes, des sortes de carrés, de toiles. Tout cela était maintenu par des montants en bambou, en canne à pêche, et les roues étaient des roues de bicyclette, pas plus grosses. Les moteurs étaient des petits moteurs, genre de motocyclette, et le pilote était assis pratiquement dans le vide, sur un petit siège, où il n'y avait rien autour de lui. Alors, il était très bonne heure quand nous sommes arrivés, il était, 4h du matin, parce qu'on voulait, nous voulions pas manquer ça. Et les appareils ont commencé à voler. Mais nous avons eu l'impression qu'ils avaient de la peine à quitter le sol, à s'arracher du sol. Ils volaient, à, 4 ou 5 mètres, 10 mètres au maximum, ils avaient de la peine à gagner de la hauteur. Et puis enfin, le vrai départ est arrivé. Alors nous avons vu, je crois, me rappeler que le premier que nous avons vu partir devait être Santos Dumont, sur un appareil qu'on appelait la Demoiselle. Je ne sais pas, je ne pourrais pas préciser si le comte de Lavaux y était également, et il est vraisemblable qu'il devait y être. Et puis alors il est arrivé, ce qui pratiquement devait arriver, l'aviateur Train était monté dans son appareil, mais lui il était assis complètement en dessous des ailes, il était pratiquement dans le vide. Et lui, il a eu encore plus de mal que les autres à prendre le départ. Il a fait 3 ou 4 tours de piste à très peu de mètres de hauteur. Et puis, brusquement, il a piqué vers le centre du champ de manœuvre. Il est arrivé de plein fouet dans le groupe de ces hommes dont je vous parlais tout à l'heure, qui étaient les officiels. Nous avons vu des bras voler, des chapeaux partir, les gens sont tombés, la foule a rompu les barrages, tout le monde s'est précipité sur la piste, les gardes républicains étaient absolument incapables d'endiguer ce flot énorme qui déferlait, et puis ça a été une pagaille effroyable. Alors, mon camarade et moi, nous étions restés bien sagement accrochés à notre arbre, montés sur les cordes de nos bicyclettes, et les gens qui sont revenus là-bas dirent, écoutez, c'est épouvantable, il y a 3 ou 4 morts, dont le ministre de la guerre, Monsieur Berthaud. Et en effet, la nouvelle s'est précisée, nous sommes restés là, je ne sais pas, je pourrais pas vous dire combien de temps, mais enfin, nous sommes restés au milieu de cette foule, et puis ça s'est terminé lamentablement, et la course, naturellement, s'est arrêtée d'elle-même. Bon, et je vous remercie infiniment de cette description très précise. Je pourrais constater qu'il y a, ce n'est pas pour vous faire passer un examen que je dis cela, mais évidemment dans les souvenirs, les erreurs se mêlent aux vérités, parce que je n'ai vu nulle part que Santos Dumont ou le comte de Lavaux aient participé à cette course. Il est probable que vous confondez que dans votre souvenir... Ah si, Santos Dumont y était. Santos Dumont était sur sa demoiselle. Son appareil s'appelait la Demoiselle. Oui. Ça, je me rappelle très bien. Tiens, je ne crois pas vraiment faire d'erreur. Eh bien, voyez, c'est peut-être vous qui avez raison, mais les articles ont été faits par des journalistes qui sont des témoins, après tout, comme vous. Mmh, oui, et oui. Il y a, évidemment, les noms qui me sont donnés ne comportent pas ceux... À moins que je confonde... Je vous remercie infiniment, monsieur Delarue. Nous allons recueillir maintenant le témoignage de monsieur Louis Dossa. Monsieur Louis Dossa est journaliste professionnel. Il a été longtemps correspondant de la Petite Gironde, du Progrès de Lyon, du Petit Marseillais, etc. Et c'est professionnellement qu'il a assisté au départ de la course d'avion Paris-Madrid. Donc, monsieur Louis Dossa, vous étiez à Issy-les-Moulineaux ce jour de mai 1911. Voulez-vous nous raconter ce qui s'est passé? Cette course de Paris-Madrid, par des aéroplanes, ainsi qu'on disait et qu'on imprimait alors, une course sans précédent. Une course dans laquelle les aviateurs auraient l'audace de passer au-dessus des montagnes. Cette course avait suscité un intérêt considérable. D'ailleurs, nous en eûmes la démonstration quand une foule immense, autant que je me le rappelle, les journaux l'évaluèrent de 600 000 à 800 000 ou 1 million de personnes. Amenées par des services exceptionnels de transport, par train, par tramway, par train de métro spéciaux, par bateau-mouche, se rassembla aux portes même de Paris envahit dès 4 heures du matin les enceintes réservées sur le lieu de départ des aéroplanes, qui était le champ de manœuvre d'Issy-les-Moulineaux, aujourd'hui d'ailleurs champ d'aviation militaire, et s'était répandu également dans tous les alentours. Naturellement, toutes les mesures avaient été prises afin que nul accident ne puisse produire. Comme on l'a vu. Des clôtures empêchaient d'accéder au terrain les personnes autres que les aviateurs, leurs mécaniciens, les commissaires de la course et, bien entendu, les journalistes français et étrangers. En outre, un service d'ordre ininterrompu bordait les clôtures. Une tribune d'honneur avait été édifiée où avait pris place M. Ernest Moniz, président du Conseil, ministre de l'Intérieur, M. Maurice Berthaud, ministre de la Guerre, l'ambassadeur d'Espagne, la course ayant pour but Madrid, les autorités officielles, civiles, militaires, des sénateurs, des députés et diverses autres personnalités. La foule, dont une partie n'avait pas reculé devant une nuit à passer à la Belle Étoile, attendait avec quelque impatience tout de même le spectacle de choix qu'elle était venue chercher. Il y avait 20 concurrents engagés. 10 seulement faisaient leurs préparatifs de départ devant les hangars de leurs appareils qui avaient été placés aux limites de la piste. Quelques-uns des concurrents avaient exécuté déjà de brefs vols d'essai. L'un d'eux, dont le nom deviendrait populaire, voire célèbre, et qui devait quelques 8 années plus tard réaliser cette prouesse, cette gageure folle, d'atterrir, si je puis dire, d'atterrir sur le toit, terrasse des Galeries Lafayette, Védrine, au cœur de Paris. Oui, c'était Védrine. Celui-là, Védrine, un exalté, un cabochard réputé, caractère de chien, mais un courageux risque tout. Il se battait avec rage contre la guigne. Il avait fait 2 essais infructueux, dont un terminé brutalement par un capotage qui, en l'emmenant à quelques mètres du public, avait fait passer quelques frissons. Un autre concurrent, qui tenait un rang bien modeste et dont le nom était inconnu du grand public, mais qui allait en quelques instants prendre un éclat tragique, l'aviateur Train, un ancien ouvrier mécanicien d'un rare mérite, qui, tout seul, avait inventé et construit son appareil et qui s'était montré pilote très habile, allait avoir son tour de départ substitué à celui de Védrine, toujours en panne. Le président du Conseil et le ministre de la Guerre, voulant mieux voir les aéroplanes, avaient quitté la tribune officielle et s'étaient rendus près de la ligne de départ avec le grand mécène des sports, M. Henri Deutsch d'Armert, et M. Antoine Moniz, fils et directeur du cabinet du président du Conseil, ainsi qu'un avocat ami, maître Paul Herson. Il composait un petit groupe dans lequel je me trouvais. Le préfet de police, M. Lépine, une figure familière aux Parisiens, toujours en mouvement, l'œil fureteur, barbichauvant, passant près de nous à son pas de chasseur à pied, nous avait lancé en riant « Ah, je vous conseille, messieurs, de ne pas rester là et de vous mettre à l'abri dans la tribune officielle, en face, par exemple. » Notre groupe se dirigea alors vers les hangars. Un monoplan d'aspect massif, de très large envergure, portant un passager, venait à 6h35 de prendre le départ. Il s'éloignait de nous. Il s'élevait très lentement, trop lourd, trop chargé, semblait-il. Or, voilà qu'un peloton de cuirassiers s'approcha dans notre direction pour refouler le public qui avait graduellement empiété sur l'espace libre qu'il séparait des ministres. Le préfet de police s'élança au-devant des cuirassiers, leur criant et leur faisant signe de rebrousser chemin. « à droite, là » intimait-il. Pendant ce temps, le monoplan qui, visiblement, ne montait plus et n'avait pu gagner assez de hauteur pour passer au-dessus des maisons du boulevard Victor, le monoplan vira et revint en sens inverse vers la ligne de départ. Il en résultait que tous les gens qui avaient été en sécurité jusque-là ne s'y trouvaient plus. « Tiens, tiens !» nous dit le ministre de la Guerre en désignant le monoplan. « Est-ce que ce serait Védrine qui reviendrait ? En tout cas, garons-nous. » C'est un homme sage. Le monoplan dont à distance, on ne pouvait savoir s'il roulait. Volait, en réalité. Ah. Et, ainsi qu'on l'apprendait par la suite, se rapprochait à une vitesse de plus de 60 km à l'heure. Alors, soudain, ce fut le drame. Un drame atroce, qui s'accomplit en quelques secondes. Le monoplan avait esquissé un virage pour éviter le peloton des cuirassiers. Il obliqua vers notre groupe qu'il allait attaquer de front. Maître Pollersan et moi-même, jeunes, plus agiles que M. Ernest Monis, Maurice Berthaud et Henri Deutsch de la Meurthe, qui étaient plus que sexagénaires, nous nous dérobâmes rapidement. Par contre, pris au dépourvu, désemparés par la machine volante qui fondait sur eux, le président du conseil et ses deux compagnons n'eurent pas le temps de fuir. Déjà l'aéroplane tanguant, se balançant, touchait terre, s'immobilisait. Les trois hommes avaient disparu. Je ne saurais dire ce qui l'emporta alors de la stupeur, de l'affolement, de la terreur chez les proches spectateurs de la scène. Tout de suite, ce fut une ruée partie des rangs des aviateurs, des mécaniciens, des premiers rangs voisins de la foule, vers l'appareil qui était un peu incliné, tandis que jaillissait une clameur qui s'enflait de proche en proche. Le peloton de cuirassiers qui avait causé le drame, car c'était pour ne pas le heurter que le pilote train avait modifié sa ligne de marche, le peloton a été disloqué, éparpillé, les cavaliers tentaient de reprendre en main leurs bêtes qui bondissaient. Il s'efforçait, mais en vain, de rétablir l'ordre dans le désarroi général. Le président du conseil, que son fils avait eu la présence d'esprit de jeter au sol, était étendu près des patins du train d'atterrissage de l'aéroplane. M. Monis avait été frappé par une aile du monoplan. Elle lui avait déchiré le visage, d'où le sang ruisselait. Le président avait la jambe droite fracturée, des contusions nombreuses. Il n'avait pas perdu connaissance, néanmoins. « Ce n'est rien, disait-il, messieurs, ce n'est rien, disait-il faiblement. » M. Henri Deutsch de la Meurthe et M. Antoine Monis, renversés eux aussi, n'étaient blessés que superficiellement. Le président du conseil fut déposé dans une auto qui était accourue, qui le porta à l'ambulance de l'Aéroclub de France installée de l'autre côté du terrain, et d'où, après avoir reçu des soins provisoires, M. Monis sera reconduit au ministère de l'Intérieur. Mais pendant ce temps, des voix inquiètes s'étaient élevées. Et Berthaud ? Et le ministre de la Guerre ? Et Berthaud ? Ah, le ministre de la Guerre ! On le découvrit, on l'aperçut sous l'aéroplane. Et quand on l'eut dégagé, il apparut littéralement couvert de sang. Du sang qui coulait presque de la naissance d'une épaule, qui coulait de là, où il y avait eu un bras. Car maintenant, il n'y avait plus de bras. Le bras, il était là-bas, à plusieurs pas, où un soldat alla le ramasser. L'hélice l'avait tranché net, comme un couteau démesuré. Un ingénieur de l'aéronautique qui était présent déduisit d'un rapide calcul que l'hélice avait attaqué le membre à une vitesse de 150 mètres à la seconde, plus de 500 km à l'heure. Alors vous comprenez. Il était affolé dans ses calculs, ce malheureux. Par l'horrible blessure, le ruisseau rouge coulait et allait se joindre à un autre ruisseau déversé par le flanc gauche qui avait été ouvert, disons-le, crevé. Le ministre, les yeux clos, respirait encore imperceptiblement. Il rendit le dernier soupir dans l'auto qu'il transportait à l'ambulance. Sur le terrain, ce n'était que vents affolés qui couraient éperdument, qui se glissaient entre les jambes des chevaux, des cuirassiers, qui se débattaient avec les gardiens de la paix, les soldats, qui eux se dépensaient pour rétablir un service d'ordre. Le préfet de police, qui avait failli être une des victimes, multipliait ses exhortations, mais on le harcelait. Est-ce que la course continue? Va-t-on encore partir? À la ligne de départ, les hélices des aéroplanes vrombissaient. « Attendez! Attendez! Que personne ne parte !» cria M. Lépine. Le préfet, après une brève conversation avec M. Jean Dupuis, sénateur, ancien ministre, directeur du Petit Parisien, le journal organisateur de l'épreuve, décida que l'épreuve était suspendue. Aussitôt, deux autos partirent en sens contraire et firent lentement le tour du terrain. Leurs occupants, bouleversés, criaient à pleine voix « La course est arrêtée! Il y a un accident mortel! On ne part plus !» Le public, qui allait bientôt apprendre le nom du mort et celui du blessé, s'écoula alors douloureusement impressionné, vous vous en doutez. Quelle était la cause du drame? J'entends la cause première, celle qui avait provoqué la manœuvre de l'aviateur et lui avait fait rebrousser chemin. J'allais le demander à Train. Il avait abandonné son appareil sur le terrain et s'était réfugié dans un hangar qui abritait un dirigeable espagnol. Ce malheureux homme de 35 ans faisait pitié. Il était accablé, écrasé, en larmes. Il fallait lui arracher les paroles entre les sanglots. Et ce fut ainsi que j'obtins qu'il me dit. Ce n'est pas ma faute si ce terrible malheur est arrivé. Je voulais faire deux ou trois tours de piste pour voir si tout allait bien et au besoin atterrir. J'ai constaté aussitôt que je me suis enlevé, que le moteur ne tirait pas assez. J'allais atterrir après avoir fait un virage, quand tout d'un coup, j'ai découvert un peloton de cuirassiers qui traversait la piste. Alors, j'ai tenté de virer pour l'éviter. Mais mon moteur baissait de plus en plus. Impossible de virer. C'était terrible, vous rendez-vous compte? Impossible de virer. Alors, j'ai redressé l'appareil pour atterrir au-delà des cavaliers. À ce moment, j'ai été bouleversé, j'ai été épouvanté quand tout à coup m'est apparu un groupe de personnes que les cavaliers m'avaient cachées jusque-là. Pris de panique, ce groupe se disloqua. J'avais réussi à passer au-dessus des cuirassiers. J'espérais pouvoir passer aussi au-dessus des dernières personnes qui étaient encore dans ma ligne. Mais, l'appareil se cabra et il s'abattit. Je sortis de l'appareil avec mon passager, pensant que j'avais réussi à éviter l'accident. Jugé de mon épouvante, de mon désespoir, quand j'ai connu le malheur, quand j'ai su que j'avais été la cause involontaire de la mort du ministre de la guerre. J'ai pourtant une grande pratique de mon appareil, hier encore. Je suis venu du camp de Chalon à 100 km à l'heure, à plus de 1000 mètres d'altitude, sans aucun incident. Et dire que je n'avais jamais eu d'accident, même matériel, avant d'avoir mon brevet. Non, c'est une fatalité épouvantable. Et alors, voici l'épilogue du drame. Dans l'après-midi, les membres du gouvernement se réunissaient au palais d'Élysée, en conseil des ministres, présidé par M. Falière, président de la République. Le conseil pourvoyait aux deux vacances ministérielles, celle de M. Maurice, celle de M. Maurice Berthaud, créée par l'accident, et décidait en outre que la course Paris-Madrid continuerait. Il en fut ainsi dès le lendemain, et Védrine, après avoir franchi à plus de 2000 mètres d'altitude les neiges de la Sierra de Guarama, se posait, épuisé, seul arrivant, au but, aux portes de la capitale espagnole, où il allait être acclamé, et où le roi Alphonse XIII le féliciterait avec la chaleur de ses sentiments francophiles bien connus, de la victoire éclatante des ailes françaises. Eh bien, je pense que le récit de M. Drossa était assez complet pour que nous n'ayons pas de questions à lui poser. Je voudrais ajouter à tout ce qu'il nous a raconté un fait qui, à l'époque, a été exceptionnel, c'est que Védrine, qui est le seul à avoir terminé la course, avait apporté dans son aéroplane du courrier qu'il a lui-même distribué après avoir été reçu par le roi Alphonse XIII, qui lui avait remis une décoration. Disons, pour terminer, que cette distance Paris-Madrid de 1200 km environ avait été couverte par Védrine en 15 heures de vol, soit à une moyenne de 80 km à l'heure. C'était Soyez témoins, une émission d'André Gillois, avec Madame Simone, Jean-Pierre Morfait, Jean Oberlé et quelques témoins du départ de la course d'aéroplane Paris-Madrid en 1911. On collaborait à cette émission Florence Lièvre et Gaston Morfait. Montage radiophonique de Jacques Guinchard.